Quand je serai vieux, je serai insupportable, sauf pour mon lit et mon maigre passé. Mon chien sera mort, ma barbe sera minable, toutes mes morues m'auront laissé tomber. J'habiterai une quelconque Belgique qui m'insultera tout autant que maintenant, quand je lui chanterai « Vive la République, vive les Belgiens, merde pour les flamingants. » La la la la la la. Je serai fui comme un vieil hôpital par tous les ventres d'autres sociétés. Je boirai donc seul ma pension de cigale. Il faut bien être lorsque l'on a été. Je ne serai reçu que par les chats du quartier à leur festin pour qu'ils ne soient pas 13. Mais j'y chanterai sur une simple chaise. J'y chanterai après l'aura crevé. Messieurs, dans le lit de la marquise, c'était moi, les 80 chasseurs. La, la, la. Et quand viendra l'heure imbécile et fatale, il paraît que quelqu'un nous appelle, j'insulterai le flic, ça sert à pencher vers moi comme un larbin du ciel, et je mourirai cerné de rigolos en me disant qu'il était chouette Voltaire, et que s'il y en a des qui ont une plume au chapeau, il y en a des qui ont une plume dans le derrière. La, la, la, la, la, la. Quand je serai vieux, je serai insupportable, sauf pour mon lit et mon maigre passé. Mon chien sera mort, ma barbe sera minable, toutes mes morues m'auront laissé tomber.